Alexandre. Ce prince fit son entrée dans Babylone avec un éclat qui surpassait tout ce que l'univers avait jamais vu. Et, après avoir vengé la Grèce, après avoir subjugué, avec une promptitude incroyable, toutes les terres de la domination persienne, pour assurer de tous côtés son nouvel empire, ou plutôt, pour contenter son ambition et rendre son nom plus fameux que celui de Bacchus, il entra dans les Indes, où il poussa ses conquêtes plus loin que ses célèbres vainqueurs. Mais celui que les déserts, les fleuves et les montagnes n'étaient pas capables d'arrêter fut contraint de céder à ses soldats rebutés qui lui demandaient du repos. Réduit à se contenter des superbes monuments qu'il laissa sur le bord de la Raspe, il ramena son armée par une autre route que celle qu'il avait tenue et dont à tous les pays qu'il trouva sur son passage.